Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième édition de la Rorcal. Ce soir, nous allons vous parler de la bande-annonce de Code Lyoko Evolution. Pour m'accompagner, j'aurai Light 4517. Bonsoir. Odd Della 60. Bonsoir. Et Roro Xana. Hello. Et votre fan serviteur, Julien Dupont. Je laisse maintenant la parole à Light 4517. Donc voilà, donc c'est la bande-annonce qui s'appelle Virtual World et qui dure 2 minutes. Alors pour commencer, on voit le logo de Code Lyoko Evolution, toujours le même, qui s'anime. Première petite remarque que je fais sur le logo de Code Evolution, c'est l'aspect néon de ce dernier. Il n'y a pas à dire, on peut dire que l'influence de Tron se fait ressentir. Surtout Tron 2, pour ceux qui l'ont vu. Je veux dire, les lettres qui s'éclairent façon néon, le graphisme qui est autour, ça fait vraiment très virtuel, mais en même temps, c'est assez nouveau. Donc oui, on peut dire que par rapport à Code Evolution, Code Lyoko Evolution est très axé, là on a vraiment l'aspect science-fiction qui ressort. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que nous a dit JD, hein. Ça sent très fort l'inspiration Tron. Moi aussi je suis d'accord en fait, je trouve que, je sais pas, j'aime bien, ça fait joli, ça, on sent que c'est bien travaillé. Alors par contre j'ai cette tendance à voir des images un peu partout, ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit une vidéo, hein. C'est juste que le fait que les néons s'allument progressivement, c'est vraiment l'image qu'ils essaient de redonner à Code Lyoko à mon avis, hein. C'est le renouveau de la série. Tu penses qu'ils sont allés aussi loin? Ils ont pensé à ça quand J'ai tendance à voir des images un peu partout, donc bon, comme ça, je l'interprète comme ça en tout cas. Bien, si tout le monde a donné son avis sur le logo, nous allons pouvoir passer à la suite. Bah, on enchaîne, alors ensuite on voit quelqu'un, une fille apparemment, et on voit les portes, ça semble être les portes du monde charge qui se ferment apparemment. Bien, alors la fille est incontestablement le nouveau personnage de la série. On ignore encore quel va être son rôle dans l'histoire, mais l'aspect sur lequel on peut se pencher sur ces images justement, c'est le visuel. Effectivement, je dirais que j'ai une première déception, c'est que la porte du monde charge n'est pas comme ce qu'on a pu voir dans la série. Autant les images qui suivent montrant l'animation du monde charge montant à toute vitesse sont véritablement sublimes et bien faites. Je veux dire que là, c'est clair que c'est de la 3D, mais la reproduction est en soi, je ne dirais pas 100% fidèle à celle de la série, mais l'animation est très jolie. Je veux dire, graphiquement, moi j'apprécie ce travail. C'est quelque chose que je commenterai peut-être un peu plus tard, mais je dirais que, quitte à vouloir pousser le réalisme, ils auraient quand même pu reproduire les portes du monde charge à l'identique. Je ne pense pas que cela aurait été le plus dur, compte tenu de tous les effets spéciaux que cette série va intégrer. D'accord. Par contre, tu disais que c'était de la 3D. Qu'est-ce qui est dit que c'est de la 3D, là, les portes du monde charge qui se ferment? Non, les portes du monde charge, on voit bien que c'est le décor, c'est réel. Ouais, c'est réel, d'accord. Ce que je considère la 3D, c'est l'animation du monde charge en elle-même. Mais vu ce qu'on voit du monde charge là, comment tu peux dire que c'est pas tout à fait le même? D'accord, les couleurs sont pas les mêmes, alors c'est peut-être un indice. Enfin, je peux apporter un élément de réponse technique à ceci, c'est très simple. Il est clair que l'image montrant les portes du monde charge se fermant sont simplement des images filmées. Il y a tout un travail de post-production qui peut intervenir, et effectivement le fameux verrou mécanique magnétique qui tourne sur lui-même, parcouru d'électricité et qui s'ouvre, peut très bien être rajouté par la suite. À ce moment-là, ma critique n'aura plus lieu d'être. D'accord. C'est une supposition. Tout comme le monde charge, je suppose que c'est de la 3D, parce que ça m'étonnerait que, un, il se soit amusé à filmer un vrai monde charge qui descende et qui monte. Deux, je pense pas non plus qu'il se soit amusé à fabriquer une maquette, même si c'est possible. Donc, moi, ça reste de l'image de synthèse. D'accord. Mais de toute façon, les portes du monde charge qui se ferment avec les trucs, les espèces de disques là, qui tournent avec la décharge d'électricité, comme tu disais, à la limite, on n'est pas à ça près. Hein. C'est vrai. Donc, du moment que les portes se ferment, ouais, après, je ne sais pas. Par contre, dans mon chat, ce qu'on voit après. Donc après, on voit le... Enfin, j'enchaîne ou Camille, c'était un commentaire? Parce qu'il y a des rumeurs sur la fille. Il y en a qui disent que c'est probablement la fille du manga... des bouquins. Eva Skinner. Eva Skinner, si ma mémoire est bonne. Donc est-ce que C'est qui, elle? Est-ce que je dis... C'est Bastinana qui est dans le bouquin. Ça pourrait avoir une influence, mais si on s'en fie à ce qui a été donné comme information, elle s'appelle Laura. Alors peut-être qu'on peut changer le nom. Mais je pense pas que ça soit une nouvelle Yokogaya, hein, par contre. Je sais pas qui c'est, mais ça m'étonnerait. Enfin, après, pourquoi pas, mais je sais pas, on sait pas encore quel rôle elle va avoir, en tout cas. Donc, pour le moment, cela ne reste que des suppositions de fans. On n'a rien pour étayer. Je pense que nous avons dit l'essentiel sur la séquence du monde charge. Nous allons pouvoir donc passer à l'étage suivant. Et là, on arrive sur, les Yokogaryas qui se font, qui passent au scanner. Donc, Aelita, Odd, Ulrik, je crois, William et enfin Yumi. Donc voilà, La fameuse procédure de transfert. Et l'avantage d'être chroniqueur principal, c'est que je vais être le premier à pouvoir le dire que ça fait vraiment Power Ranger. Je m'excuse. Franchement, ça n'est plus les séquences de virtualisation telles qu'on les a connues dans la série. Ce n'est plus un anneau qui tourne autour avec le vent qui décoiffe tout le monde. C'est vas-y, transforme-toi et on va aller charger Yoko avec notre Megazord. Si je suis d'actualité. Non, je sais, c'est méchant. C'est même trop facile de dire ça. Mais autant, l'effet virtuel est très joli, mais je le trouve assez déplacé par rapport à ce qu'on connaît dans la série. C'est clair, c'est tout à fait ça. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est le fond qui fait un peu... je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment voulu faire, mais on n'est pas dans le scanner, là. Je ne sais pas où on est, mais c'est un fond assez spécial. Disons que c'est vrai que ça fait bizarre, les couleurs qui ont quand même bien changé, ils auraient pu nous faire un truc jaune, lumineux comme avant, et puis bon, bah là, ils ont essayé de faire des particules vertes avec du... je ne sais pas trop quoi... C'est vrai que ça... Bon, on voit vraiment que ça a été modifié, hein, qu'ils ont... À mon avis, ils pouvaient peut-être pas faire autrement, ou ils ont voulu faire plus réel, même si, bon, la science-fiction est réelle, hein. Mais ouais, c'est vrai que la couleur verte jaune est bizarre. Ouais. On n'a jamais vu encore les scanners, si? Non, on les a pas encore vus. Pourquoi c'est les effets? Alors si ça se trouve, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté là juste pour le teaser. J'attends déjà de voir en fait à quoi ressemblent les scanners en ce qui concerne. Ouais, on a eu un petit labo, on va revenir dessus plus tard. On a eu des images donc de la cage d'ascenseur, de l'ascenseur lui-même aussi, mais scanner, pas grand-chose de plus. Alors, scanner, j'ai quand même là aussi je me fie sur les informations qui ont été qui nous ont été données à droite et à gauche. Apparemment, la salle des scanners, rien que les tubes, ce seraient des gros morceaux de Sagex dans lesquels les acteurs se glissaient et tout serait rajouté également en post-production. C'est-à-dire que on risque d'avoir des grosses surprises à ce niveau-là. Ouais, mais est-ce que là, la post-production, ils ont terminé le travail sur la post-production là de ce qu'on a vu des 20 premières secondes là? Parce que c'est ça que je suis en train de me demander, c'est est-ce qu'ils ont pas fait un peu de post-production juste pour la bande-annonce? Question de voilà, et ensuite peut-être qu'au rendu final, on verra le scanner et tout quoi. Ça, pour le moment, tout le monde l'ignore. Ça fait partie des secrets de production. Bon, on enchaîne. On enchaîne. Donc ensuite, alors tout ça, je zappe. Ensuite, on voit le tunnel, on va dire, le truc qu'on voit quand ils sont virtualisés, quoi. Je sais pas trop comment décrire ça, mais. Ah oui, c'est le tunnel numérique, ouais, ça. Quoique, je suis en train de me demander si c'est pas autre chose. En fait, ce que ça pourrait être, ça, c'est à la limite un voyage dans un hub, parce que juste après, on voit le réseau, donc peut-être qu'ils ont joué là-dessus, j'en sais rien. C'est possible. C'est vrai que la couleur ressemble beaucoup à celle du réseau. Personnellement, étant donné que j'ai été marqué par la vague Stargate, je peux pas m'empêcher de penser au vortex des portes des étoiles en voyant ça, mais bon. Oui, moi ça fait plutôt penser un peu au vortex de Doctor Who, mais pourquoi pas, chacun ses références. Doctor Who aussi d'ailleurs, mais Doctor Who, on le... Ouais, si, mais on le voit moins quand même. Là, on sent plus dans Stargate que c'est rond. Enfin, j'aime bien l'effet quand même. Ils n'allaient pas réutiliser de toute façon les mêmes trucs que dans la série, quoi. Non, je pense pas, non. On voit même que le réseau a changé, mais ça, c'est pour plus tard. Bah, c'est juste après, hein. À moins que vous avez encore un truc à dire sur le tunnel. Alors, rien de particulier, si ce n'est qu'en 5 ans, il est clair qu'ils ont fait quelques progrès au niveau du rendu graphique. Enfin, si on peut attaquer... Je suis pas sûr, JB. Hein. On en parlera après. On peut attaquer la... Donc, donc on enchaîne, hein. Bah, ensuite, on voit, il me semble que c'est Lyoko ou un Replica, je ne sais pas, qui semble se réactiver un peu dans le réseau. Et on a une vue sur le réseau, la première vue sur le réseau. Ça me fait toujours penser à ce que je disais au début, c'est-à-dire les néons qui s'allument progressivement. Et là, le Replica vient de s'intiter progressivement. Vraiment la renaissance, quoi, le retour de la série. Quoi. Je suis en train de me demander, l'effet, il ne ressemble pas vraiment à Lyoko qui... Qui est plutôt en train de revivre, mais plutôt un. Tu sais ce qui se passe juste avant qu'un réplica se détruise. Il y a une lumière comme ça, une lumière forte, et après, t'as un réplica qui est explosé. Quand on le voyait détruire les réplicas dans la saison 4. Mais en même temps, ça me fait penser que fin saison 4, l'une des dernières images du supercalculateur qu'on voit, c'est ce genre de lumière qui est à travers l'espace qui est laissé par les trois parois qui protègent le supercalculateur. Je sais pas. Est-ce que ça a un lien? Je pense pas, à mon avis, c'était juste un effet visuel comme ça. Ils l'ont peut-être réutilisé, hein, à leur avantage, c'est possible. Donc, un avis sur le réseau? Au niveau du réseau, je dirais que de ce qu'on peut en voir dans les 2-3 secondes d'animation, c'est qu'il est déjà beaucoup plus grand et plus spacieux. On voit plus loin et plus haut. Et les blocs de données sont moins larges, mais effectivement plus étendus en hauteur, quoi. Ouais. Après, de ce qui se balade dans le réseau, il n'y a plus ces espèces de graminées qu'on pouvait voir. À la place, ils l'ont remplacé par des petits cercles. Et je trouve qu'il est moins... je préférais le réseau saison 4, je crois, à ce niveau-là. Il était un peu plus trouble que là. Mais après, c'est peut-être qu'une impression due à la vidéo, je ne sais pas. C'est vrai que le réseau saison 4, ils aient donné plus l'impression d'océan profond... avec plein de trucs à explorer. Là, j'ai l'impression que c'est une vue beaucoup plus dégagée, beaucoup plus lumineuse. C'est l'impression que j'ai quand je vois le réseau. Disons qu'il y a plus de clarté. Plus d'espace, plus de clarté. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'impression que c'est moins difficile de faire un combat, quoi, dans le réseau. Je vois que quand on s'éloigne, on voit beaucoup de rayons de lumière, c'est vrai, mais après, on voit aussi que le fond disparaît. Mais c'est vrai qu'il est plus clair quand même, plus éclairci. Alors, est-ce que c'est à cause de Xana? J'en sais rien. On pourrait imaginer que parce qu'il n'est plus là, il n'encombre plus le réseau, mais ça m'étonnerait. Je vous dis, je vois des images partout. Donc, je sais pas, on enchaîne ou... On enchaîne. Donc ensuite, on voit... Ah, voilà, donc là, on arrive vers... on voit la tour. Enfin, au début, je savais pas ce que c'était, mais c'est maintenant, je sais ce que c'est. C'est une tour. Une tour activée, en fait. Activée, on sait pas. Ouais. Elle est rouge, hein. Donc. Ouais, ça veut pas dire. Non. Eh bien, on arrive sur la première grande interrogation de la série, parmi tant d'autres, à savoir qu'est-ce qui est arrivé autour. Exact. Moi, je veux bien reconnaître que Xena est un sacré programmateur et qu'il arrive à faire des merveilles sur Lyoko, mais en qualité de designer, il a encore du chemin à faire parce que sa tour, elle est vraiment carrée, biscornue et en plus, elle tombe en morceaux. Comme j'ai dit ici, c'est une tour activée. La raison est, pourquoi cette dernière a-t-elle changé? Est-ce que c'est dû au fait que Xana aurait changé? C'est une supposition, on n'en sait rien. Moi, je pense savoir. J'ai mes réponses. Donc, attendez. Alors, j'en reprends. J'ai dit, je vais juste casser un peu. Alors, programmateur, c'est sur les machines à laver. Sur les ordinateurs, c'est programmeur. Moi, c'est bien beau, mais au final, c'est bien beau tout ça, mais au final, on sait toujours pas ce qu'est le Schimmelblick. Si, moi j'ai une réponse. Je pense que il y a pas d'explication scénaristique au niveau de la tour et que c'est juste graphiquement ils ont voulu changer le design des tours comme pour la saison 2 où ils ont changé le design, le design des territoires où ils nous ont refait une forêt assez claire, etc., etc. Et je pense que là c'est pareil. Hein. Ça, à mon avis, ils vont pas chercher à expliquer. C'est juste un niveau graphique pour les tours. Je sais pas s'ils vont l'expliquer scénaristiquement. Moi, j'en suis pas aussi sûr que toi de ton affirmation, parce que je me souviens, c'est vrai qu'il a été assez controversé, mais dans le PDF de mon scoop, on pouvait voir trois images. On voyait bien que c'était le graphisme de celle quand même, malgré ce qu'il disait que c'était le graphisme de l'ancienne série. Et on voyait et l'image, on voyait pas du tout, mais à la place celle qu'on peut voir à l'écran là, dans le teaser. Donc à mon avis, il n'y a pas qu'une explication graphique. Il y a peut-être pas de tour, je sais pas. En attendant, le design me fait beaucoup penser à Minecraft, bizarrement. Et je suis, même si elle est rouge, je peux dire qu'elle est activée et que c'est forcément à Xana qu'elle appartient, je sais pas. Je suis pas convaincu. Mais en fait, dans le PDF, ce qu'il y a, peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils voulaient montrer juste la différence, en fait, l'évolution de la tour, quoi, graphiquement, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont mis l'ancienne et la nouvelle, pour qu'on voit bien que c'est une tour. Moi, je pense juste que c'est un changement graphique, hein. Non, je ne suis pas d'accord. Il doit y avoir une explication scénaristique, puisque d'une part, cette tour apparaît à différents endroits. Dans la vidéo, on peut la voir sur le territoire montagne. Il y a aussi, qu'on a pu voir sur les PDF, territoire désert. Elle apparaît également dans le cinquième territoire. Si on devait supposer quelque chose, je dis bien supposer quelque chose, c'est que Xana, s'il est responsable de ça, a en fait trouvé un moyen de transformer les tours de Yoko en quelque chose d'autre. Ça serait toujours une tour, mais il pourrait les modifier. Peut-être. C'est une supposition, on n'en sait rien. Maintenant, quel serait le but de tout ça ? Bah, là non plus, on l'ignore. Xana ou Jérémy, hein. On constate une chose, c'est que dans les autres images plus loin, les fenêtres virtuelles ont également changé. Donc il y a cette notion de modification. Ça ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Les tours de Yoko ne vont pas, sur un coup de tête, évoluer et se transformer en quelque chose d'autre. Il y a une raison, quelque chose qui fait que... Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si on enchaîne juste après, on voit la main de Odd et la main d'Aelita, et je crois que la main d'Ulrich ou Yumi, qui posent leurs mains sur l'interface de la tour. Et ce que je suis en train de me demander, c'est... J'ai l'impression que dans cette saison, tout le monde, enfin n'importe quel Yoko guerrier peut désactiver une tour. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'ai. Je crois que c'est l'impression que beaucoup de personnes ont partagé. Le fait est que chacun des Yoko guerriers puisse poser sa main sur l'interface, enfin sur ce qu'on suppose être l'interface de la tour, pour la désactiver, semble logique. Maintenant, il y a deux possibilités. La première, c'est que, étant donné que ce ne sont plus les mêmes tours de Yoko, n'importe quel Yoko guerrier est en mesure de la désactiver. C'est-à-dire, ce n'est plus le monopole de Aelita. Voilà, ça ce serait la première explication. La deuxième explication, c'est que, étant donné que cette bande-annonce, quand même, met en scène différentes situations, dont, à savoir sûrement différents épisodes, il pourrait très bien y avoir un épisode où, pour une raison encore indéterminée, les Yoko guerriers aient besoin de poser leurs mains sur leurs interfaces. Ce qui m'amène même à me poser une troisième théorie. Il se pourrait même que le fait est que les Yoko guerriers posent leurs mains sur leurs interfaces pourrait être une nouveauté de Jérémy. Je ne sais pas, peut-être qu'un Yoko guerrier devrait poser sa main sur l'interface pour activer un programme ou quelque chose de particulier. Le fait est que si on suppose, on part toujours dans la supposition que cette tour appartient bien à Xana et que c'est lui qui l'a modifiée, je trouverais ça une grossière erreur stratégique que n'importe quel Yoko guerrier puisse la désactiver. Ce ne serait pas dans son intérêt, ce serait même l'inverse. Quitte à la reprogrammer, autant qu'elle soit désactivable par personne. Par contre, du coup, Jérémy pourrait effectivement trouver un moyen pour que n'importe quel Yoko guerrier après puisse la désactiver. Je ne sais pas, c'est des suppositions. Là, on ne peut pas faire mieux à ce stade. Marquer que à la place de chiffres qui se baladent, c'est visiblement des mini-carrés. Je suis d'accord avec Roro sur le point que c'est plus possible que ce soit Jérémy qui ait modifié peut-être même jusqu'à l'aspect des tours. Si, il a modifié des trucs quand il a recréé Yoko. Si vous voulez, il a réussi à retirer des procédures pour le cinquième territoire, etc. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas les tours aussi, tant qu'on y est ? Là, c'est que des suppositions. On peut rien affirmer pour le moment. C'est une théorie. Oui, ah oui. On aura la réponse pas maintenant, en tout cas. Donc là, on enchaîne ensuite sur la virtualisation. Alors, la virtualisation qui a changé quelque peu. C'est un effet beaucoup plus circulaire, si je puis dire. Enfin, ils ont remis l'anneau qu'on voyait dans la saison 1. Ouais, c'était plus trois triangles, il me semble, tournaient autour du Yoko guerrier pendant qu'il se faisait virtualiser. Ouais, donc je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. À part leur position un petit peu bizarre quand même. Hein. Si, un truc qu'on pourrait dire, c'est si on s'arrête quelques images plus loin, qu'on coupe la vidéo vers 41 secondes, et qu'on regarde Ulrich, constate qu'en fait, bizarrement, ils sont très, eux aussi, linéarisés, quoi. On a l'impression que leur corps transparent est rayé, quoi. Ça se voit sur les vidéos. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est tout à fait ça. Je sais pas, en fait, je les trouve... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait pas naturel dans cette virtualisation. Bah, c'est le fait qu'elle l'est pas. Ouais. Constater effectivement que le ciel du désert aussi, bien qu'il ait été aménagé, hein, des nuages, mais est plus clair aussi. Bah, et d'ailleurs, plus clair, tu sais, il me fait penser à quel ciel là, le ciel du désert ? À celui de la saison 1. Il était plus clair encore, celui de la saison 1, bizarrement. Je sais pas, mais ils se sont plus rapprochés de celui de la saison 1 quand même. Hein. Ils ont rajouté les nuages derrière. Enfin. Donc, bah, plus rien à dire sur cette virtualisation. C'est un peu bizarre. Ça me gêne un peu, bizarrement. Je préférais l'effet juste transparent, pas cette espèce de... Donc, bon, on enchaîne si on n'a plus rien à dire sur la virtualisation. Si, mais là, c'est plutôt pour le fanservice de JD. Ce sera plutôt à lui de reprendre... Hey, oh, j'ai encore rien dit, là. Ah, t'as rien dit, mais si tu regardes bien Ulrik et même Lumi, je pense qu'on peut le deviner. Non, j'ai rien dit. J'ai dit que je resterai clean. Je resterai clean dans cette interview. Oui, justement pour concernant les images qui suivent, je pense qu'on peut faire une petite accélération parce que si on fait, pour simplement dire qu'on voit les Lyoko guerriers en action. Je veux dire, toutes les, regardez, quand tu prends les images, attends, de la minute, de la 45 à la, de la 45 à la 51, je pense qu'on peut les passer rapidement parce que c'est surtout des actions des Lyoko guerriers. Mais également le fait qu'on peut commenter une chose qui est très importante, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font peur ? Ils ont de ces têtes ?» Ah grave, ils ont l'air bien en colère. Non, non, non, Yumi, Aïta et Ulrik, ils font peur. Non mais, si tu veux, la colère, elle est vachement bien, elle ressort vachement bien là sur leur visage. Ah oui, ça c'est vrai, mais... Ils sont vraiment tous énervés, quoi. Attendez, Yumi, elle fait peur. Aïta, bon, elle a toujours fait peur. Mais alors, Ulrik, c'est lui qui a la patte. C'est l'expression de Bonescoop qui est retranscrite dans ces deux cocaïnes. Je vous explique. Ils sont vraiment pas contents d'être de retour pour buter les monstres de Xana. Et ça, c'est exactement la position de Bonescoop. Obligé de se faire chier avec une saison 5. Oui, ça serait une bonne explication. Pas content. Ah non, tu me fais penser à Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Pas content. Mais tu rajoutes ça en fond sonore et ça passe bien. Donc voilà, donc ils sont énervés. Et ensuite, on arrive à 51 secondes, l'overboard. Bon, ça, à la limite, je sais pas si vous avez un truc à dire sur l'overboard. Attends, juste avant quand même, au niveau de l'image de l'action d'Ulrik qui sort ses sabres, et même de Yumi quand elle sort ses éventails, au loin, on peut constater quand même qu'ils ont cherché à donner un peu plus, effectivement, l'image du désert saison 1. Avec beaucoup de piliers et quelques cailloux au sol aussi, comme on pouvait le voir sur la saison 1. Un désert plus encombré, moins clean. Et même, je dirais même un truc sur le désert, c'est il y a une brume au fond. T'as l'impression qu'il y a un brouillard au fond. Ah, mais ça y est. À l'arrière-plan. Ça y était pas, mais ils l'ont rajouté. J'ai remarqué. Même dans tous les territoires, je crois, enfin, qu'on voit dans la bande-annonce, il me semble qu'il y a une sorte de brouillard au fond. L'arrière-plan, est assez flou. Hein. Sur les images qu'on voit. Ouais, effectivement. Ouais. Ça doit faire partie d'une évolution graphique, je pense. Par contre, là, un truc que je trouve bizarre quand Ulrik attaque la tarentule, c'est elle bouge pas, elle se défend pas, elle attend de se faire tuer. C'est un raptor. Voilà. Encore une fois, joueur du grenier. Non, mais là, elle fait rien, cette tarentule. Hein. Ce moment-là. À 49 secondes. Ouais. Enfin. Donc ensuite, on revient sur la tour qui, cette fois, est désactivée. Selon mon hypothèse, enfin. Je pense que c'est une tour désactivée, ce qu'on voit là à 51 secondes. Et on arrive après à la partie la plus intéressante, à savoir la première vue de Cortex, avec en prime un William. C'est mon plan préféré de la BA. Hein. Ah, William de dos comme ça, William de dos comme ça et tout Cortex, c'est un très beau plan. Franchement. J'ai l'impression que c'est son œuvre qui contemple sa création du haut du toit du monde. En haut du toit du monde, hein, puisqu'on voit même à côté qu'il y a un bâtiment plus haut que ça, mais bon, il a l'air fier, droit, posé. Regardez, ceci est mon domaine, admirez. Ouais. La question est, pourquoi William est tout seul en train d'admirer Cortex ? Oui, on peut constater qu'il a sa tenue ouais, de Xana guerrier. Et il a même des bandelettes orange au niveau des bras et aussi au niveau des cuisses. Ça me fait penser bizarrement au clou. Comment tu fais pour voir ça, toi, des bandelettes ? Ah, tu veux dire plus tard, parce que là, sur le plan des dos, on... Si, sur le plan. Ouais. Regarde, sur tu vois ces bandelettes ? Ouais. D'accord, bon, bah, j'ai une vieille qualité. Et ça me fait penser un peu au clone d'Ulrik dans fin de saison 2, dans l'épisode Révélation. Ah, c'est vrai que Il lui ressemble à un William. Hein. Et la peau pas, qui a brise comme le William qu'on a vu dans le PDF et qu'on voit dans la bande annonce aussi. Donc vraisemblablement, il a dû retomber sous l'emprise de Xana. Ou pas. Je suis pas fan de l'idée, mais bon. Et sinon la vue de Cortex, vous en pensez quoi? Au niveau des textures du sol, je sais pas. Je pense que c'est volontaire, mais un peu trop pixelisé à mon goût. Omniprésence de bleu. Et c'est bizarre d'ailleurs. Il y a toujours, comme tu dis, cette espèce de brouillard lointain. Et derrière, je sais pas, j'ai l'impression d'une ville avec les fortifications devant William et derrière le ghetto. Il y a pas l'air d'avoir d'immeubles, de belles lignes bleues, de beaux néons. Là-bas, c'est tout brumeux, tout pollué. Par contre, sur Cortex, ça me fait bizarre, franchement, de voir des nuages comme ça. Pas de la brume comme on peut voir sur Yoko, mais vraiment des nuages comme on a dans notre monde. Ça fait très bizarre. On imagine difficilement des nuages dans un monde numérique, en fait. De la brume encore, on peut dire pourquoi pas, mais des nuages. Ouais, c'est vrai. Après, on sait pas où est Cortex, c'est ça le truc. Surtout, il y a un autre détail auquel on n'a pas pensé. Est-ce que Cortex se limite seulement à un seul territoire, une seule zone? Est-ce qu'en fait, Cortex ne serait pas composé de plusieurs plateformes qu'on ne voit pas forcément dès qu'on arrive? Tu sais, Cortex, on dirait quoi? Je suis en train de me demander un truc. Je suis en train de me demander si c'est pas à la surface de la mer numérique, mais peut-être que c'est pas forcément. Ouais, quoique, c'est peut-être c'est dans un réplica, hein, pas dans une sphère. Hein. Alors là, je sais pas où c'est en fait. Il y a bien quelque chose qui me viendrait en tête, mais non, je pense pas qu'on puisse trouver quelque chose à la surface de la mer numérique. Non, mais je pense pas que ce soit au-dessus de la mer numérique parce qu'il y a une autre bande-annonce où on voit le ski d'entrer dans Cortex et il passe bien par une sorte de réplica, il me semble. Ah, mais on n'est pas sûr ou c'est... Attends. Une autre vidéo. C'est une vidéo bonus qui était sur Facebook ou je sais plus trop quoi. Ah ouais. Non, enfin, ce territoire, à mon avis, nous promet bien des surprises. Hein. Vu comment il est présenté, déjà. Même au niveau... Là, il y aurait des tours sur ce territoire, même si on n'en voit aucune. Ça me choquerait pas du tout, vu leur nouveau design. Parce que c'est tout à fait dans l'ambiance. Ces petits néons... même, on peut voir toujours sur le plan de William... qui contemple ce nouveau territoire, on peut voir au fond de l'image à droite, ce qui me fait penser aussi à une tour. Alors, est-ce que c'est une extension de ce territoire sur Yoko? C'est possible. Du coup, est-ce que c'est effectivement une œuvre de Xana aussi? Ça peut se poser cette question-là. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Oui, dans ces cas-là, ça pourrait laisser supposer, et je dis bien ça pourrait laisser supposer, que si Xana s'est allié avec ce fameux Alan Meyer et qui n'a pas fait de lui son esclave, on peut supposer que Xana ait donné à cet homme, à cet industriel, la technologie de Lyoko. Ah, c'est vrai que Xana, question design, Xana, il est zéro. Hein. Il crée des monstres qui sont pas beaux, il crée des choses très moches. Mais sur le niveau technique, il fabrique des robots et plein de petites bestioles qui sont très sympathiques sur Terre. Donc un génie, et oui, parce que Xana est un génie, peut très bien donner à un humain des données techniques révolutionnaires. Et derrière, cet humain pourrait utiliser ses fameuses ressources pour créer un univers virtuel nouveau, performant. Vous vous êtes jamais dit que peut-être Cortex existait déjà depuis un certain temps et que Xana il s'est juste abrité sur Cortex, tout simplement. Mais que c'était un monde qui existait déjà... Depuis le début, j'en sais rien. On va avancer comme ça. Donc on passe à la suite ou bien... On passe à la suite. De toute façon, on reverra Cortex après. On passe à la suite. Donc ensuite, on voit... Ah, on arrive à... D'accord. On arrive à un truc assez horrible, c'est-à-dire l'Overwing. Oui, c'est vrai, c'est horrible. oui. Avec une espèce de scie, là. Avec... Non, une aileron. Ouais. Je suis dégoûté, hein, parce que l'Overwing, c'était mon véhicule préféré, et là, je sais pas ce qu'ils en ont fait. En plus, j'ai l'impression que c'est le seul véhicule qu'ils ont changé. Enfin, un niveau qu'ils ont vraiment changé. L'Overboard, ça va. L'Overbike, ça va aussi. Mais l'Overwing, ils sont vraiment défoulés là-dessus. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de... Ouais, un aileron, comme tu dis. C'est bizarre, surtout qu'en plus, pour décoller, le machin, il traîne carrément par terre et il raille bien le sol, donc c'est un peu bizarre, mais bon. Non, vous avez pas compris à quoi servait l'aileron. Bah, explique-nous, JD. Affaucher les mots. C'est une évidence. Déjà que avant Yumi, quand elle conduisait l'Overwing, elle arrivait à se ramasser tout et n'importe quoi, bah cette fois-ci avec l'aileron, c'est encore plus facile. Un arbre, elle se le prend. Un Lyoko guerrier, elle se le prendra aussi. Le petit caillou, coincé dans un rebord du terrain, elle se le prendra. Merci l'aileron. Non, non, c'est pour dire simplement que je suis sûr qu'on va voir des séquences où plein de fois l'overwing va se ramasser parce que l'aileron aura buté contre quelque chose. À mon avis, on verra surtout aussi beaucoup de séquences où on va HP les monstres avec un coup d'aileron. Hein. C'est ça, je la vois bien passer sur un crabe comme ça. Oui, c'est peut-être une sorte de nouvelle arme, comme le bras du colosse, mais en très très très aminci, quoi. Parce que là, je suis sûr que si elle vole bien au-dessus d'un crabe, elle pourrait le détruire, hein, avec cet aileron. Ah, ça y est, j'ai trouvé une autre application. Je sais, quand ils feront des goodies et des produits dérivés, je sais à quoi ça va servir. À votre avis, à quoi ça peut servir? Un couteau à pizza. Non. Ah, pourtant c'est évident. Voilà. Très simple, un ouvre-boîte. ouais. Attends, excuse-moi, mais c'est ça quoi, c'est un l'overwing est devenu un ouvre-boîte. Donc, Mix se balade sur un ouvre-boîte. Sur un ouvre-boîte, voilà, c'est plus l'overwing, c'est l'ouvre-boîte. Eh ben celle-là, on peut conserver en tout cas. Elle est pique. Pour avoir dit ça, des milliers de fans vont me haïr. Mais j'assume. Bon, le plan d'après, par contre, puisqu'on en est toujours vécu, ce sont les mêmes, donc, mais cette fois sur le Cortex. Alors là, je suis en train de me dire, parce qu'ils sont en train de nous refaire un truc, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait un truc à la saison 4, c'est que ils reprennent les mêmes scènes, ils changent juste le décor. Comme on voyait, Ulrich et William qui combattaient, c'était toujours la même scène à la saison 4. Là, je sais pas, j'ai un... Oulala, qu'est-ce que tu es en train de dire, Light? Tu es fou? Est-ce que tu te rends compte du crime que tu es en train de commettre? C'est un tabou. Tu parles de la synchro. On est bien d'accord dans la saison. Non, c'est un tabou. Tu es en train de parler de la synchro-sainte économie de production chez Moonscoop. On n'en parle pas. Les réutilisations, on n'en parle pas. Hein, les plans et les images que tu vois 15 000 fois dans un même épisode, on n'en parle pas. C'est tabou. On peut... Ce qu'il y a juste là, hein, c'est-à-dire... Bah attends, ils ont un budget de ouf. Là. Je vois pas pourquoi ils font des économies sur... Ouais, bon, tu me diras. En même temps, il n'y a pas 36 000 façons de décoller quand tu es sur l'Overwing, donc... Donc bon. Mais sinon, on peut parler de ce qu'il y a juste avant, donc c'est-à-dire les flèches laser d'Od. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution graphique, mais en tout cas, au niveau de l'efficacité, l'évolution, elle est zéro. Hein. Il y a une régression totale. On peut l'assaillir de dizaines de fléchettes, mais ça ne fait rien en crabe. Hein. C'est... Oula, ça picote. Ils ont privilégié... Ils en tirent pratiquement la moitié à côté. Ils ont privilégié la quantité à la qualité. Et non, surtout, ils ont privilégié la quantité à la... Efficacité. À la visée. Hein, il y en a beaucoup, mais ça part dans tous les sens, quoi. Bah, il y en a trop, donc il y en a forcément qui vont sur le sol, quoi. J'espère que ce ne sera pas le cas général de la saison. Ce serait dommage, quand même. Ah non, mais on dirait de la pluie, là. Et en direct du territoire désert, nous pouvons constater... Une averse de flèches laser. Assez brumeux. Mettez-vous à couvert. Tu parles. Il n'y en a même pas besoin de... Ah non, mais il n'y a pas besoin de se mettre... Non, Roman, il n'y a pas besoin de se mettre à couvert. C'est Od qui tire. En fait, si t'es un crabe, le seul moyen d'être sûr de te faire toucher par les flèches laser, c'est de te mettre hors trajectoire. Mais peut-être que les crabes sont beaucoup plus résistants aussi. Hein. Oui, je pense, parce que quand on les voit, ils ont un peu évolué. Ils n'avaient pas déjà sur les pattes ces espèces de néons. Mais ça va, ils n'ont pas trop changé quand même. Ça va. Ils sont restés assez fidèles au niveau des monstres. C'est-à-dire, de saison en saison, il y a beaucoup de choses qui changent. Enfin, surtout de la saison 1 à 2, mais au niveau des monstres, c'est vrai qu'ils sont assez fidèles. Hein. Ah, mais ils ont enfin bref, les monstres sont peut-être plus résistants. Od, ben, il ne fait que tirer à côté, mais je crois qu'on va rien préciser parce que j'ai vraiment hâte d'arriver à l'image d'après. Vous savez, celle qui vient juste après. Ouais, donc après, nous avons Ulrich et William qui se regardent méchamment. Sur le territoire montagne. Ouais, et heureusement qu'ils se regardent méchamment, parce que s'ils se regardaient tendrement, j'ai rien dit quoi. Au début, on pourrait croire que William est du côté de Diana, mais en fait, non. En fait. Au début, ça porte à confusion. La première fois que tu vois ça, enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, on a William et Diana. Mais en fait, non, quand tu regardes la suite de la bande-annonce, Ouais, mais il a quand même la peau bien pâle pour un Yoko guerrier. Il n'a pas ce teint un peu rosé, non. Il est, on dirait un zombie, quoi. Peut-être il risque l'emprise encore de Xana. Ah, s'il est sous l'emprise de Xana, pourquoi? Bon, bah, retiens ce que tu viens de dire et je t'en parlerai après. Ah ouais. D'accord, donc on enchaîne, à moins que vous avez autre chose à dire sur Ulrich et William. Dans la toute scène, ils sont quand même interrompus par un tir ennemi, donc c'est peut-être pas Xana qu'il possède, mais bon. Ah oui. Et quand même, Ulrich et William, je sais pas, ils ont l'air d'être toujours aussi rivaux, donc mon avis, il va quand y avoir des disputes pour la belle japonaise. La belle. Ah, bah. Moi, je parie sur Diego. Ah. Moi aussi, je parie. Ah, c'est bien, JD, tu rejoins le bon côté. Ok, bah moi, je parie sur Hiroki. Ou Kiwi, au choix. On arrive sur les images suivantes, et là c'est intéressant, nous avons notre ami William qui essaye de... Enfin, on suppose que c'est lui qui essaye d'attaquer une tour, parce qu'il y a une arme tranchante, et il essaye de couper la tour, et non, je vais pas revenir sur mon gag avec les ouvre-boîtes, parce que j'ai déjà fait avec l'Overwing. Non, et puis là c'est Non, en fait, tel que c'est présenté, on dirait plus une lame de cutter, ta boire. Ouais, bah alors, sacré cutter, quoi. Bon, après, par contre, on dirait que... Vous voyez, il y a une espèce d'énergie qui sort du sol. Non, c'est pas une énergie. J'ai plutôt l'impression que la lame se désintègre. J'ai l'impression que c'est le super smoke, mais en plus moche. L'énergie qui en sort qui la désintègre. Après, on peut se planter. Je me demande si c'est pas le super smoke. Hein. Mais je sais pas si William aura toujours son super smoke. Mais... Si, enfin, il aura toujours son super smoke. Bah là, c'est pas super smoke, là. Non, je pense que c'est pas un effet de fumée là. Ouais. Pour moi, c'est un effet que l'épée se fait bouffer par quelque chose plutôt. Impossible. Après, l'image qui suit, nous avons William qui fait encore son grand méchant et qui lève sa pelle à tarte géante. Et vous remarquez que l'épée est travaillée d'une manière différente. Ouais, mais derrière, il y a un réplica aussi. Non, c'est pas un réplica. Mais t'as pas vu réplica. T'as pas vu la dernière vidéo, Roro? C'est l'endroit où il y a. Une bulle lumineuse et personne ne sait si c'est Hooper ou pas, enfin bref. Ouais, bah enfin, ça doit être le cœur, à mon avis. Peut-être que c'est présenté, mais ça, avouez que ça fait quand même énormément penser aux répliques à... Ouais, ils se sont pas foulés. Non, ouais, mais ça fait plus ça fait aussi cinquième territoire. Hein. Le cinquième territoire? Bah, quand ouais, tu sors du cinquième territoire. Quand tu sors du cinquième territoire. Ah ouais? Enfin, ouais. À propos là, dans la saison 4, il y avait plein de discussions là-dessus. On savait pas trop où ils sortaient en réalité. Ouais, dans le soleil. Ouais, dans le soleil, pas sûr, hein, parce que le soleil, il est pas censé atteindre le fond de la mer numérique. Si tu te souviens de mon schéma Lyoko, oui, normalement. On va essayer de vous expliquer le schéma Lyoko dans ce cas-là. Tu peux nous le ressortir? Ah, trop compliqué. C'est que, bah après on va partir sur un débat sur Lyoko en fait. Hein. Non, on va rester sur l'essentiel. Sur l'essentiel, ouais. Donc nous avons William qui fait sa tête de méchant. Et là, JD, je suis désolé, JD, mais là, je suis obligé d'en parler. Nous avons Ulrich qui passe sous un crabe. Et oh, tiens, ça me rappelle une vidéo où on voit William faire la même chose. Donc, il est encore question de réutilisation et d'économie et de ce que tu veux. Exactement, je suis d'accord avec toi parce que dans la vidéo de France 3, on voit William qui fait la même chose. Effectivement. Mais on voit aussi William dans 2 secondes après qui bute un crabe, donc il est peut-être pas sous la possession de Xana. Comme le pensait tout à l'heure, j'imagine, hein, c'est pour ça qu'il a dû m'interpeller. On constate par contre que les crabes, en tout cas celui qui a massacré Ulrich, disparaissent sous forme de cubes. Ça me fait penser à la saison 1. Vous saviez, quand il y avait des tirs sur les plateaux, on voyait les cubes apparaître. Le quadrillé de Yoko. Et là, c'est la même chose, mais pour les... Et ils disparaissent d'une façon très particulière. Ils disparaissent sous une sorte d'effet tronc. Ils explosent et implosent, si vous remarquez bien. C'est ça. Ils explosent et toujours sur une forme octogonale. Si vous faites un arrêt sur image, vous verrez que l'onde de choc, c'est... Bon, déjà, ça déforme l'écran. Et en plus, ouais, si on regarde sur les extrémités vraiment de l'image, il y a ce qui semble être encore des hexagones. En fait, ce qui me dérange dans cette nouvelle explosion, c'est ce qui se passe juste avant que ça explose. Tu sais, t'as cette forme bizarre où t'as une forme toute bizarre et ensuite ça explose en fait. Et je trouve que la forme, elle est vachement... je sais pas, j'aime pas. Encore, l'explosion en soi, elle est classe. Tu vois, ça explose, ça implose. Bah, l'effet des cubes me dérange un peu, je l'aime pas trop non plus, mais sinon en elle-même, l'effet d'explosion puis d'implosion, j'aime bien. Bien que ce soit un peu rapide, mais... Ensuite ! Donc ensuite, bah, j'enchaîne. Ensuite, on voit donc Ulrich qui arrête des tirs et qui... Donc Ulrich qui se prend un tir et on a comme un petit effet de particules ou je sais pas trop quoi qui s'échappe de lui. Un peu comme une blessure, comme du sang. Comme une dévirtualisation, ils ont enlevé l'effet d'électricité là, tu sais quand un monstre te tirait dessus, des fois t'avais un effet un petit peu un peu électrique. Et là, on a l'impression que c'est carrément comme une dévirtualisation, tu sais, comme une dévirtualisation en fait. Et même quand il touche le sol, il y a ces espèces de petits carrés blancs. Alors là, cette abondance de carrés, je crois qu'elle va me saouler si je la vois partout sur les coudes. Ça comme effet, pour simuler la poussière, en plus on dirait qu'il y a de la neige. neige, parce qu'il n'y a pas le territoire banquise. Donc... S'ils font ça sur la banquise, ça va faire ton surton au moins. Tandis que là, il y a de la neige et de la poussière en même temps, c'est très divers. Et bon, juste après, on a une image du cortex. Et on peut constater que le sol du cortex est un tantinet transparent. Il y a un effet de miroir dessus. Ouais, c'est ça. Je vais dire que là, je préfère voir vraiment de loin le sol que de voir de près quand il y a la texture dessus. De loin, ça passe déjà un peu mieux. Donc ensuite, on enchaîne et on a... Bon, je sais que tu n'aimes pas Aelita, mais il faut avouer quand même que ses champs de force et ses ailes, ils ont la classe. Les ailes, même si on y voit très rapidement. On les voit rapidement, mais ils ont la classe. Rapidement, juste après. Alors, eux, ils ont dû être boostés, je pense. Il y a dû avoir une accélération dans la vidéo, mais si c'est comme ça dans la série, attention. Ouais, ça va être des combats sur dynamique. Dynamique, on va même plus arriver à suivre. Et juste après, on passe encore à un sol transparent avec les méga tanks. Et alors là, contrairement à l'arena, c'est très... Et allez loin. Carthage. T'en es où, là? Ah! D'accord. Ouais, après. Donc après, il y a les crabes. Et ensuite, ouais. Et les méga-tanks. Et qui ne tombent pas, évidemment. Alors, maintenant, ça, c'est une innovation. Si les crabes et les méga-tanks, des monstres de base, j'ai envie de dire, qui se baladent dans le cinquième territoire. Ils ont volé mon idée, hein. Pirate. Ah, grave. Ils ont dû voir l'une de mes vidéos et ils se sont dit, bon, allez. Non, mais juste... ouais, en plus, non, ils vont nous, suivre. On connaît ça aussi. Les scénaristes du PS5 connaissent ça, on sait qu'on a un espion qui a tout balancé et tout. C'est... Attendez, excusez-moi, vous pouvez répéter vos dernières notes, histoire que je les envoie à Moonscoop. C'est JB, notre espion. Alors... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien cette texture-là et que... qui se reflète dans le cinquième territoire. Ah ouais, j'adore, c'est un effet hyper classe aussi. Bien mieux, en fait, dans des terrains sombres, couloirs de Carthage, que sur l'image d'avant avec Cortex. Qui me concerne, je préfère beaucoup l'effet dans Carthage. Et même l'effet de luminosité, j'espère que les combats seront plus épiques, du coup, aussi sur Carthage, avec ces anciens monstres, mais dans de nouveaux lieux, quoi, si on peut dire. Et je m'inquiète juste quand même pour les méga-tanks, parce que ce genre de bouboule qui roule dans un territoire dangereux comme Carthage... Un méga-tank, c'est censé être hyper lourd. Et là, ça roule super vite. Enfin, je sais pas, le plan il dure quoi, 2 secondes même pas? Vous trouvez pas qu'ils vont super vite les méga-tanks? Ça a été peut-être accéléré ce passage. C'est même fort probable qu'ils aient accéléré ce passage. Mais bah, Aelita, les crabes et les méga-tanks, c'est sûr, ils vont accélérer. Pour le reste, je sais pas. En tout cas, je pense que ces nouveaux combats-là vont bien me plaire. Donc, plus rien à dire sur les méga-tanks. Rien à dire. Donc, on arrive sur Ulrich qui s'accroche à une paroi, une plateforme du territoire montagne et qui va presque tomber dans la mer numérique. Et cette fois-ci, c'est moi qui enchaîne en disant que oui, tu as raison, les expressions du visage sont très bien retranscrites. Ouais, vachement ok. L'image suivante, ensuite, donc on enchaîne et on voit Yumi qui court et qui. Alors là, par contre. On a ralenti en plus, donc j'ai une théorie, hein. Yumi, elle saute pour plonger vers une tour activée. Donc sans doute que peut-être elle a le pouvoir de la désactiver. Parce que Yumi dans une tour activée, on n'a jamais vu ça, à part une fois, dans la saison 4, je crois, dans le lac, l'épisode de lac. Mais à part ça... Moi perso, c'est pas trop ce que je remarque. Elle court, on voit qu'elle tourne la tête parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose derrière qui lui arrive dessus, et on constate que c'est des lasers. C'est très bien. Juste le détail qui cloche, c'est que quand elle saute pour plonger, elle se met pile poil sur la trajectoire des lasers. Genre, attends, là, ils vont pas me toucher, mais si je plonge en hauteur, oui, peut-être que j'arriverai à m'aligner sur leur trajectoire. Tandis que si elle se baissait un tout petit peu, ouais, elle pouvait les éviter. Bon, moi, je dis ça, hein, je dis rien. C'est vrai, en plus, hein. C'est vrai qu'elle est pas futée, là, sur ce coup-là de... Franchement, là, il y a une stratégie qui m'échappe de la part de Yumi, quoi. C'est... Alors, faut la comprendre, ça fait longtemps qu'elle n'a pas combattu sur Lyoko. Donc. Ouais, elle a un peu perdu la main. Moi, ça me choque pas, en fait. Elle a oublié que le but du jeu, c'est de pas se faire des virtualités. Ah, c'est touché la tour avant. C'est qui? C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Attendez, derrière, dans le fond, vous avez. Enfin, c'est peut-être que moi, mais encore une fois, mais il y a deux pierres sur une grosse pierre, sur une petite grosse pierre. Alors, je suis le seul à y voir une sorte de deux yeux avec un visage. Deux yeux. Oui. Enfin, si on veut. Avec beaucoup d'imagination et une grosse quantité de substances illicites dans le corps. Oui, je pense qu'on pourrait voir un diable. Substances illicites. Attendez. Clean de vos quatre, là. Quoi vous me parlez? Je te rassure, hein, Roman, fumer l'hélium, c'est pas un crime. Non, mais sérieusement, je sais pas, on dirait. Ah, comment il s'appelle? Il me fait penser à Wally, au niveau des yeux, hein, je parle. Enfin, c'est pas des yeux, c'est des pierres. Comment t'arrives à voir Wally, toi, avec des pierres du territoire des arts? T'as une sorte de tête dans l'image, merci de me faire signe, qu'on prenne pas pour un dernier définitif. D'accord, bon, bah, on verra bien, on fera un sondage. Donc ensuite, on a la main de William. Enfin, en gros, on a William qui rattrape Ulrich, quoi, si je comprends bien. Ouais, et puis attention, ça pique, hein. Ulrich, il a pas intérêt à mettre les doigts. Ah ouais, je dirais, Ulrich, il s'est pas visé non plus, hein. Il aurait pu attraper vraiment sa main. Vous avez vu, quand il le relève, William, on dirait qu'il le balance au sol. Attends, t'es loin, là. Mais non, je suis pas loin, je suis juste après. Non, juste après, Yumi qui continue son plongeon. Voilà. T'as parlé de Yumi, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a pas vu quand elle rentre dans la tour. On a toujours le même effet de... Miroir. Ouais, c'est épique. L'effet miroir, l'effet tour, l'effet machin. Par contre, les monstres qui tirent sur la tour, j'aime bien. On a un nouvel effet. C'est une espèce de forme bizarre. Alors, visiblement, les tours sont toujours inatteignables. Hein. Les tirs ne peuvent pas la passer. Donc, sans doute que eux, en tout cas, ils peuvent toujours pas rentrer. Et donc là, Aurora, on arrive sur William qui soulève Ulrich et le ramène. T'as vu comme il est vieux, non? Tiens, je te trouve, prends ça dans ta face. Bah, il l'a sauvé, alors bon, il peut se permettre de. C'est mon remerciement. Non, ou alors, en il plus, voit intérieurement quelle calamité, je suis toujours obligé d'être derrière lui. Je sais pas si c'est un effet d'optique ou. Je sais pas, mais la paroi, là, la plateforme du territoire montagne. Il dirait qu'elle est en porte. Elle a l'air. Ouais, voilà, elle a l'air vachement inclinée. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Je me demande si, si Diana elle a pas fait un truc, elle a pas agi sur le territoire. Donc ça... Et ensuite, on passe avec Yumi sur son ouvre-boîte. C'est ça, et elle aussi bien énervée. Et vous avez vu, oui. Si on fait un arrêt sur image, on a l'impression qu'elle a comme un écran devant elle, devant le guidon. Mais même le guidon a changé. Ouais, le guidon a changé, ça... on préfère. Donc on enchaîne, et après, nous avons donc une vue sur Cortex. C'est... Aelita et Ulrich sur l'Overbike, ils sont propulsés carrément. Et l'Overbike qui explose sur une paroi, enfin, sur un mur de Cortex. D'une façon très design. Ouais. On dirait qu'ils s'y préparent quand même, ils sont pas surpris quand ils sautent. Ils se projettent en même temps que l'Overbike en fait, sauf que l'Overbike, vous avez vu quand ils se dévirtuent aussi, plein de petits carrés. Et j'ai toujours du mal à me faire à cet effet, personnellement. Ah ouais, j'aime bien, j'ai trouvé ça cool. Ouais, mais encore pour les monts, ça allait, mais là, pour l'overbike, je sais pas. Et puis j'ai l'impression, ça me choque, j'ai l'impression de voir des petites bulles qui se baladent partout. Je me dis, mais à quoi ça rime? Donc, ensuite, on a Odd, ses flèches laser. Il est Odd, oh là là, regardez-moi ces deux belles joues. On dirait un écureuil, s'il te plaît. Maman Rosa s'est bien occupée de son cas. Ah, c'est sûr que là, on peut plus dire Odd le maigrichon quand on voit ça. Hein. Ah bah, c'est bouboule. Ah, mais ça, les chats, c'est tout le temps pareil. Hein. Manger, dormir, à force. Bon, après, on a plein de scènes. Hein. Scène d'action, les méga-tanks. Scène d'action, voilà, les méga-tanks sur le cinquième territoire. Ils explosent et voilà. On peut voir un peu plus loin, elle s'enchaîne. Hein. Les méga-tanks, c'est toujours le même effet d'explosion. Ça peut être pareil pour tous les monstres, à mon avis. Ensuite, on a. Après, on a. Ulrich et la tarentule, donc ça, c'est pas grand chose à dire là-dessus. Et là, on arrive sur une scène qui est très intéressante. On a Super Yumi qui n'a même pas besoin de viser maintenant. Elle tire n'importe où. Mais non, franchement, on a Yumi qui tire sans viser, qui saute en arrière de son overwing et qui fait des pirouettes dans les airs comme c'est pas permis. C'est devenu une cascadeuse. Ah, oh, c'est une cascadeuse depuis la saison 2. Ouais, mais là, quand même. Ah, mais encore que. Encore avant, elle avait besoin de viser, quoi. Super Yumi, Super River. Non, mais là, elle se la raconte, quand même. Ah ouais, là, c'est Yumi, la prétentieuse. Ah ouais, en plus, regardez la classe. Elle récupère son éventail tranquille, quoi, à une main. Ah non, elle récupère pas son éventail. Ah oui, si. Si, elle le récupère à une main, tu sais, toute contente. Ah ouais, elle le lance d'une main, elle le récupère de l'autre. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé Yumi en Sissi. Oh mon dieu, ouais. Eh ben, ça y est, Sissi sur le coup, pose ton masque, on t'a reconnu. Je me demande ce qu'elle dit là. Tu sais quoi, on détournera la vidéo, et on mettra un petit texte encadré en dessous et on pourra mettre ce qu'on veut. Ouais. Attends, si on lit sur ses lèvres. Moi je lis, moi je dis, oh je suis trop fort. Hein. Attends, alors. Moi je lis Wopan Gangnam Style. Wesh, elle doit dire un truc du genre. Yumi la racaille. Yumi 93 hardcore. Yumi avec avec une banane. Oula. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais pas moi, et je tiens à le préciser, c'est toi qui l'ai dit. Mais non, mais me forcez pas à sentir que Yumi est en place, hein. Oh non, mais. Attendez, c'est vous qui déformez mes propos. Le coup de Yumi est en place, c'est vous qui déformez mes propos. Ouais, ça vient du film qu'on avait sur le. Voilà, c'est une private joke, hein, donc c'est. Ouais. Désolé d'en faire une, mais c'est. J'étais obligé. Dans l'image d'après, on a. J'ai dit que je ne ferai pas de fanservice. Je ne ferai pas de fanservice. Bah après, c'est encore Yumi qui nous fait une belle cascade de son underwing. Moi, j'aime bien. Je trouve ça esthétique. Ouais, joli. C'est quand même la classe de sortir ses éventails comme ça. Et là, bizarrement, elle se la raconte pas trop. Bah si. Non, mais ça se trouve, après, elle réatterrit sur l'overwing. Et là, ce serait vraiment la classe. Ramasse. D'accord, hein, c'est Yumi. On peut pas lui demander l'impossible, même si elle fait beaucoup de cascades. La probabilité est de 0%, elle va se ramasser sur le méga tank et elle va finir de l'autre côté. Oui, ouais. Ce serait si c'est moi qui écris l'histoire, mais non. Eh ben, on va vite te demander tes services. Voilà. Ça te dirait de travailler pour Moonscoop ? Non, impossible, je pourrais pas. Imaginez si je devais écrire toutes les scènes d'action de Aelita. Non, je pourrais pas. Ah, la pauvre. Elle désactiverait aucune tour, je pense. Même pas, ça demande de prendre la question. Il y aura qu'un épisode. Un épisode. Un épisode de 10 minutes. Non, avec moi, ce serait un épisode de 5 secondes. On l'envoie, elle arrive, elle meurt. D'une façon atroce, particulièrement dégueulasse. Voilà, fin de l'histoire. Ah là là. Enfin bon, donc ensuite, on a Yumi qui détruit des crabes. Bah, elle lance ses éventails, enfin ses nouveaux éventails. Elle détruit des crabes aussi. Elle détruit des crabes. Elle avec détruit tout en fait. Avec une petite variante quand même, c'est que cette fois-ci les éventails elle les fait passer en dessous et ils ressortent en dessus. Bah ouais, il faut bien qu'elle ait un nouveau style, tu vois. Ah oui, faut qu'elle casse tout quoi, elle détruit tout quoi. Je parie qu'on va voir des scènes où Yumi elle sera en salle de musculation en train de lever 80 kilos. Non mais c'est vrai qu'elle a quand même. Voir aussi. Ah oui, c'est vrai quoi. Elle va lever de la fonte et puis après on verra Ulrich qui va se mettre à la broderie. Hein, c'est déjà que Yumi c'est un peu Rambo. C'est ma carrière préférée Yumi et je suis content qu'enfin elle soit un peu plus forte que. Enfin elle a l'air plus forte là de ce qu'on en voit. Peut-être un peu trop mais quand même. Ok, si jamais dans la série, la partie terrestre, on voit Yumi se ramener à l'école en scooter, je vous aurais prévenu. Hein. Oh, ça vaut mieux pas tension de carambolage. Remarque, du coup, ça pourrait faire un très bon script pour Jigdays. Aelita traverse la rue, Yumi arrive en scooter, boum. Non. Après, non. Ensuite, on a Odd vs une tarentule. Et, non, mais l'image, on dirait pas une capture d'un jeu vidéo. Quelle seconde? À 1 minute 53. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Si vous arrivez à vous arrêter sur l'image où, oui, on voit Odd 2 comme ça, et la tarentule qui commence à exploser, la tarentule, on dirait qu'elle est même pas dans le décor. Je sais pas comment dire. Ouais, parce que tout autour, on a l'impression qu'ils ont fait juste des carrés, oui, ils l'ont habillé avec une texture. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'ils ont rajouté ça après, qu'ils ont mis un calque par-dessus. Oui, mais il y a un autre détail que j'avais pas remarqué. C'est? À supposer que la scène qu'on voit avec Odd en train d'exploser la tarentule est la même scène tirée du même épisode et qu'il n'y a aucun montage, vous constaterez que sur la première scène, on voit donc Odd de dos qui tire sur la tarentule, n'est-ce pas ? Mais vous remarquez que sur le plan d'après, on voit la tarentule qui explose, mais Aelita qui est là. Et scène d'après, Aelita n'apparaît pas. Peut-être qu'on la voit pas. Peut-être qu'elle est cachée par la tarentule, non ? Non. Non, regardez, on voit bien qu'elle est très près. Regardez, sur le plan, on voit bien la distance qui sépare. Oui, alors sinon, c'est que tout simplement, c'est probablement pas le même épisode. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit si, à condition. Mais ça a l'air d'être. En fait, tout a l'air de s'enchaîner, si vous regardez bien tous les plans. Généralement, dans les teasers, ils aiment bien se faire enchaîner des trucs. C'est comme tout à l'heure, au tout début, quand on parlait des interfaces. Les mains posées sur l'interface, ça s'enchaînait, de même que les virtualisations. Mais c'était sans doute pas le même épisode à chaque fois. Ouais, et puis si tu regardes bien, Odd, il a l'air dans le plan où il est sur le rocher, il a l'air propulsé en arrière. Et dans le plan d'après, t'as plus l'impression qu'il a attaqué la tarentule. Enfin, il peut pas atterrir comme ça si le plan d'avant était propulsé en arrière. Quoi. Ce que je pense, c'est que la scène qu'on voit quand il est sur l'overboard en train de tirer, et celle où il arrive en plongeant après que la tarentule ait explosé qui a été à côté, là, c'est la même. Ouais, ça serait bien plus ça, en fait. Alors, c'est qu'ils sont vraiment... plantés, ce serait pas la première fois qu'ils nous font des erreurs de montage. Hein. C'est sûr. Bien, on enchaîne, si vous voulez bien, sur l'avant-dernière image, celle de la tour qui... Alors, vous remarquerez, par rapport à la tour, qu'il n'y a plus de câbles d'alimentation sur l'UECO. C'est vrai. Alors... Ouais. C'est le wifi. Ouais, c'est tout à fait ça, ils sont passés, oui. Mais on constate un truc, c'est que c'est peut-être volontaire aussi pour le teaser. On remarque qu'il y a la scène, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est Lynn qui défile, en fait, sur le plateau du territoire. Et juste après, on voit une scène où les banques de données tombent aussi. Alors je me demande si quand une tour est désinfectée, ces données reviennent pas de là où elles sont parties. J'ai plus l'impression que c'est un effet de, c'est un peu pulsation, là, ce qu'ils ont voulu faire. C'est bizarre quand même comme pulsation, parce que là... Bah, après tout, tu sais, les câbles d'alimentation, tu sais, on voyait une espèce de truc passer, là. Et là, il n'y a plus du tout de câbles, et puis... Il n'y a plus de câbles, donc... La partie de la tour, ça suit les... Il n'y a pas de tremblement, pas de... Parce que regarde, si la tour se désactiverait, et que... Enfin, la tour, normalement, si on suit ta théorie, le halo de la tour, il devrait changer. Enfin, le halo. Le néon, pardon, de la tour. C'est-à-dire, on pourrait dire l'infection s'en va et s'en retourne où elle vient. Mais après, on ne voit pas de scène où elle change de halo ou quoi. Donc, c'est possible, mais on ne voit pas. Surtout, la question, c'est pourquoi cette onde est émise? Parce que ça part du haut de la tour jusqu'en bas et ensuite... Oui, ça traverse le territoire. Bah, si tu te souviens bien, les pulsations, c'était un peu ça. Ils partaient de la tour et... Enfin, dans la saison 1, c'était bien ça. Ils suivaient les pulsations pour retrouver la tour. Donc, comme pulsation, c'est... Il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de grand signe de pulsation, il y a juste... En même temps, les tours ont changé, donc ce qui va avec change aussi, quoi. Vous n'allez pas nous mettre des câbles et des pulsations? Ah bah dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de pulsations. Sans doute. Non, mais c'est peut-être la nouvelle manière de les représenter. C'est pas des pulsations. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ensuite, on passe au plan suivant et on arrive sur Aelita. Alors, on sait pas si la tour est active ou pas, puisqu'il n'y a plus l'interface. Donc, elle est là et ensuite, peut-être après. Les interfaces tombent et retour vers le passé. Et j'aimerais soulever un point que, on avait discuté de ça en privé avec JD, mais j'aimerais quand même soulever ce point. C'est où est passée la première plateforme? Exactement. C'est un truc qu'on remarque dans tous les épisodes, quand les tours sont désactivées, mystérieusement, la plateforme qui se trouve en dessous disparaît à chaque fois. Alors moi, ma théorie, c'était que la plateforme tombait, mais en fait, non, je vois pas pourquoi. Sinon, on la verrait tomber, j'en sais rien, mais... Mais oui, c'est vrai que c'est bizarre. T'es sûr que c'est comme ça dans tous les épisodes aussi de la série? Depuis la saison 1, ça a toujours été ça, quoi. Ah bah, de toute façon, oui, c'est toujours comme ça, vu que c'est toujours la même animation. Mais il n'y a pas un moment où ils se sont dit « Ah bah mince, alors, il manque la plateforme. » Ah bah, c'est peut-être la cohérence qui... On peut dire mince, mais tant pis, les gars, c'est pas grave, on laisse comme ça. Ouais, personne ne le verra. Ouais, on met la poussière sous le tapis, personne ne verra. Et ensuite, c'est le nouvel effet du retour dans le temps, visiblement. On n'a pas changé tant que ça. Ça change de force un peu si on fait de l'arrêt sur image aussi. Même les interfaces, elles ont changé. Oui, elles sont plus rectangulaires. Elles sont coupées, tu vois, je sais pas comment dire. Ouais, elles sont plus rectangulaires, elles ont une forme un peu plus... Ça, c'est aussi une évolution graphique qui va avec l'évolution de la tour en elle-même. Ah, donc t'admets que c'est une évolution graphique, la tour. Bah, disons que dans la mesure où on voit plus de câbles, où il n'y a plus l'air d'avoir de pulsations, il faut se rendre un peu à l'évidence. Mais ça peut être scénaristique quand même, une reprogrammation de Yoko est possible, je sais pas. Bon. Très probable dans le sens où effectivement c'est plus tout à fait la même équipe, ni le même mode On voit que c'est Lyoko, mais c'est plus, c'est du graphisme évolué, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Code of Evolution. Je sais pas s'ils vont vraiment garder ça. Je pense pas quand même que, s'ils expliquent, s'ils nous donnent pas d'informations et qu'ils considèrent que ces tours-là, ce sont des tours de base normales, ça me ferait bizarre quand même. Alors c'est pour ça que j'espère qu'il y a une part de scénario dans le la nouvelle apparence des tours. Bah après tout, on n'a pas vraiment eu pour les nouvelles tenues, hein, donc. Oui. Je suis d'accord. Ils ont dit, il y a des nouvelles tenues, lol, allez hop, c'est bon, au revoir, merci. De toute façon, je n'ai jamais aimé la tenue qu'il avait dans la saison 4. Ah si. Ah, moi, ça me faisait trop penser à une espèce de dessin animé qu'il y avait à une époque sur TF1, qui combattait des extraterrestres, ou je sais plus quoi. Là. Ghostbusters. Non, non, c'était pas Ghostbusters, c'était un dessin animé pour gamins. Martha oui. Mystère. Dora l'exploratrice. Non, merde. Mais Dora l'exploratrice, elle a jamais combattu d'extraterrestres. Hein. Oh, non, elle s'adressait à des extraterrestres. Non, c'était elle-même, c'était elle-même, voilà, c'était elle-même une extraterrestre. Oh, quoi que. Oui, non, mais enfin bon, Dora, c'est pas, hein, c'est autre chose. Et j'ai trouvé, voilà, c'était le Monster Buster Club. Ah oui, non, mais le temps. Mais, ah, mais leur tenue. Ça ressemble à Odd, hein. Je suis désolé. Oh mon dieu. Ah, mais leur tenue, c'est tout à fait ça. Ce machin, il diffuse ça une fois, deux fois, et puis après, soit il leur passe à une autre chaîne, comme Gulli, soit il balance à la poubelle. Mais Gulli, on dirait trop la chaîne du recyclage. Genre, tous les trucs qui marchent pas, bah ça passe sur Gulli. Tous les trucs qui marchent pas ou les trucs trop vieux pour repasser ailleurs. Bon, je vous propose de faire la conclusion. Oui, je suis d'accord. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de la bande-annonce. Bah, je vous propose vite fait de dire, bah, globalement, vous avez pensé que c'était une bonne bande-annonce, enfin un bon teaser. Bah, en fait, cette bande-annonce montre quelques-uns des nouveaux éléments que nous réserve cette série. Je regrette juste qu'on ne voyait pas assez d'éléments terrestres, 2D. Mais bon, apparemment, ils veulent nous faire la surprise. Mais là, et plus généralement, là où je les attends avec Code Lyoko Evolution, c'est vraiment sur... l'intrigue, l'histoire, alors ça vraiment ils ont intérêt à nous pondre quelque chose qui soit solide, et également les scènes terrestres, à savoir les effets spéciaux. On va avoir des effets spéciaux qui seront très discrets quand il s'agira d'intégrer des personnages filmés sur fond vert dans des décors peut-être fabriqués par images de synthèse, mais ou même quand ils arriveront à faire du compositing en mélangeant des lieux et des endroits qui n'ont pas été tournés, enfin des endroits qui dans lesquels les acteurs n'ont pas tourné, ça c'est une chose. Mais là où vraiment vraiment il faut les attendre, c'est s'il y a Xana et s'il y a attaque sur Terre. Je suis vraiment curieux de voir la nature des attaques sur Terre. Est-ce qu'ils vont faire apparaître des monstres? Est-ce qu'ils vont faire apparaître des robots? Est-ce qu'ils vont faire des êtres xanatifiés? Est-ce que les effets spéciaux vont vraiment nous en mettre plein la vue à ce niveau-là? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Ouais, bon, bah, donc, je trouve que trailer, bon, bah, comme tous les trailers, ça intrigue. On se dit, je trouve que nous ont montré qu'ils étaient capables de faire de belles choses en 3D, bon, mis à part les grimaces du Drake et ce genre de choses. Et que ça peut donner, ça peut peut-être donner quelque chose de sympa. Faut voir ce que l'avenir nous dira. Ok. Je dirais que ce trailer annonce plutôt bien la couleur que les tons qu'ils ont voulu donner à cette saison. Des décors qu'on peut facilement reconnaître, mais qu'ils ont pas forcément amélioré, mais ils ont voulu en tout cas montrer qu'ils avaient évolué. Alors, notamment au niveau des tours. Au niveau de la complexité des territoires aussi, des détails ajoutés, surtout la montagne et le désert, on a pu remarquer. Et moi j'ai constaté, alors je peux me tromper, mais ils ont voulu rester très mystérieux au niveau du cortex. C'est à part un long plan sur William qui est content, on a beaucoup beaucoup de scènes sur le co. Donc effectivement, comme le disait Camille, là, c'est pour nous imprimer, quoi. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer là-dessus, quel va être le rôle, l'importance du cortex dans la suite des événements. Et comme le dit JD, ils ont intérêt à nous pondre un scénario du tonnerre. Ok. Moi, sur ce trailer, je dirais que globalement, je suis assez content parce qu'ils nous montrent les trucs sur lesquels on avait de grosses inquiétudes. Ils nous les montrent tout de suite, comme ça, voilà. Donc à la partie Yoko, à quoi ça va ressembler. Nous on tout de suite les tours, les nouveaux effets explosion. Mais il ne nous montre pas tout ce qui nous inquiète, hein. Une bonne partie bah, qui inquiète, c'est aussi une bonne partie. La partie réelle, hein. Et ça, ils vont nous le cacher jusqu'au bout. Et pourtant, c'est des trucs qui inquiètent le plus, hein. Plutôt qu'on attend la partie terrestre. En même temps, et vous n'allez pas non plus tout nous montrer. Donc là, c'est déjà pas mal. On voit pas mal. Dommage qu'on ne voit pas la banquise et la forêt, mais apparemment, c'est des territoires qui sont passés à l'oubli ou que sais-je. Mais ça va. On voit quand même des choses intéressantes et c'est un trailer plutôt agréable à regarder. Tiens. Et en HD en plus. Première fois qu'on a du Colby en HD quand même. Mais à propos des territoires, il n'y avait pas une histoire comme quoi deux territoires avaient disparu, là, une traduction postée? Si. C'est quand Jérémy rallume le supercalculateur, apparemment deux territoires ont disparu. Alors la forêt et la banquise. C'est bizarre quoi. Ouais. Genre le disque dur, le disque dur du supercalculateur est tombé par terre, il y a des données qui sont endommagées. Je sais pas comment ils vont nous expliquer ça, mais. Je sais pas moi que Jérémy a installé Windows Vista. Non, il a installé Windows 8. Tu permets, il y a que toi qui es sous XP aujourd'hui et qui. JD, il est sous 95. Ne vous moquez pas de mon Windows. Merci. Non mais je plaisante. Non mais on plaisante. On sait bien que t'es pas sous Windows. Qu'en fait t'es sous DOS 3.1. C'est bon. Oui, ben bah, tu sais comment ils sont les vieux. Ils conservent. Ils vivent dans le passé, les vieux. Qui explique que tu nous parles d'ouvre-boîte. Ok. Je déconne. C'est la colère. Mais Toi, ça t'a marqué l'ouvre-boîte. Hein, c'est. Évidemment que ça m'a marqué. De toute façon, tout ce qui sort de toi. Attention. Attention. Oui, oui, bon. D'accord. Allez, je pense que nous allons conclure ici pour ce sujet, en tout cas, pour la bande-annonce. Ainsi se termine ce troisième épisode de La Rancale. Je tiens à remercier tous les participants. Like4517, Julien Dupont, Camille, aussi connu sous le pseudo de Hot de la 60, et Rogana, c'est-à-dire moi-même. Par ailleurs, petite page de publicité, comme vous le savez, certains membres de l'équipe Rorcal font également partie de l'équipe du PL5. Alors rassurez-vous, cette page de pub n'est pas du tout pour faire uniquement de la pub sur ce projet. Hein. Dans d'autres émissions, nous ferons de la pub au projet à nos contributeurs. À notre projet, mais... On fera de la pub pour n'importe quel projet s'ils le désirent de toute façon. Oui, ben ça, on leur dira, mais pas pendant la... Donc, il s'agit d'un concours de dessin dont vous pouvez aller voir le sujet sur le forum du projet Yoko 5, sur les forums de cell.fr. Les détails du concours sont sur le forum, vous pourrez aller voir ça ultérieurement. Un lien sera posté dans le topic de la rancade. Sachez que chaque participant peut gagner dans une des trois catégories proposées. Et que vous êtes tous conviés à participer, en espérant recevoir beaucoup de propositions. Voilà. Bye bye. Bah, salut. D'accord, on ne dit pas tous au revoir les uns après les autres, on se casse tous comme des vampires. Ouais, on a des trucs à faire. Dans quelques années. On va dire au revoir correctement. Voilà, bon, ben l'émission est terminée, hein. Il y a eu pas mal de fails en coulisses que vous n'entendrez pas. Alors, on va tous se dire au revoir, hein. Donc, alors, au revoir Light. Au revoir Camille. Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir JD. Bonne nuit les amis et à bientôt. Et au revoir moi. Bon bah au revoir moi. Du coup moi j'ai dit au revoir à Camille. C'est pas grave, on s'en fout. On va se dire au revoir à tout le monde aussi. Voilà, non, mais... au revoir à tout le monde. Et donc bon bah c'est... Voilà, sachez qu'il est tard, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc alors on vous dit, ben, merci d'avoir écouté. Faites-nous part de vos retours. S'il y a des choses que vous aimeriez peut-être écouter, des musiques ou à la fin des émissions, ou des choses comme ça. Des sujets. Si oui, du sujet aussi. S'il y a quelque chose que... Attends. Si jamais il y a quelque chose qui... Vous voulez nous faire part de quelque chose, n'hésitez pas, les avis sont bienvenus. Et à une prochaine fois pour la Rorcale. On essaiera de toute façon de sortir des épisodes plus souvent. Parce que là, entre l'épisode 2 et 3, je crois qu'il y a eu un an. Quelque chose comme ça. Donc, on va pas faire un épisode par an, quoi. Sinon. Oui, je pense que nous. Oui, mais je pense que nous, le PL5, on a un rythme suisse. Ça fait deux. Ça va bientôt faire 3 ans. Voilà. Donc, en fait, sur le projet aussi, alors. On n'est pas pressé, nous. Quand on vous dit à bientôt, en fait, c'est. Voilà. Ouais, non, mais disons qu'en même temps, bon, l'actualité, il n'y avait pas eu trop grand chose. Et puis, bon, non, après, voilà, quoi. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre la première émission, la deuxième émission et la troisième émission d'Aurorcal, on a laissé le temps à Moonscoop de faire une saison de Kodioko Evolution, quand même. Ouais. Ouais, vous aussi, rendez compte, vous vous rendez compte que l'épisode 2, c'était sur l'ouverture du site. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu de news entre temps. Ouais, mais là, du coup, on pourrait dire au début de l'épisode, eh non, nous ne sommes pas morts. Ouais. Toujours vivant. On était juste en hibernation. Enfin bon. Donc, sur ce. Sur ce, ciao.